l'esprit n'est pas unilatéral et l'homme ne peut travailler seul. L'homme travaille avec l'esprit de Dieu, l'œuvre se fait par les unis. L'effort de l'homme et l'œuvre du Saint-Esprit font connaître la parole de Dieu. Chaque jour, l'on devient une personne parfaite. Pour être éclairé, pour être illuminé par le Saint-Esprit, il faut faire des efforts. En coopérant, en priant activement, rechercher et s'approcher de Dieu. Les gens apprennent.